Les Robinsons de la Guyane par Louis Bousnard. Première partie, le Tigre Blanc. Chapitre 1er. Les arbres géants de la forêt équatoriale se tordaient, échevelés sous la rafale. Le tonnerre grondait furieusement. Les éclats de la foudre, simultanément sonores ou étouffés, brefs ou prolongés, secs et crépitants, bizarres parfois, terribles toujours, semblaient se confondre en une seule et interminable détonation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'étalait à perte de vue, au ras des cimes, une immense nuée noirâtre, bordée d'une sinistre bande cuivreuse. Des éclairs aveuglants, affectant toutes les formes et toutes les couleurs, mêlés dans une colossale fulguration, s'en échappaient comme de la cratère renversée. De ces vapeurs trop lourdes, qu'un implacable soleil avait fait surgir d'insondables marais et de solitudes inexplorées, s'écroulaient de véritables trombes. Ce que nous nommons en Europe des gouttes de pluie semblait de larges coulées de métal en fusion à travers lesquelles se reflétaient étrangement les éclairs. Les feuilles tombaient, hachées comme par un ouragan de grêle, mieux encore, comme par des millions de jets de pompes à vapeur. De temps en temps, un acajou énorme, l'orgueil de la forêt vierge, s'abattait lourdement. Une ébène verte, au tronc élevé de plus de 40 mètres, aussi dur que le fer, voltigeait comme une paille. Un cèdre séculaire, que 4 hommes n'eussent pu entourer de leurs bras, éclataient ainsi qu'une planchette de sapin. Un cimarouba, un boco ou un angélique, dont les cimes trouaient la nue, roulaient, fracassaient les premiers. Ces géants, reliés ensemble par d'inextricables lianes, et dont les maîtresses branches disparaissaient sous des orchidées et des broméliacées en pleine floraison, oscillaient, puis s'écroulaient sous la même poussée. Des milliers de pétales rouges coulaient à travers les herbes, on eût dit des gouttes de sang arrachées aux flancs des colosses foudroyés. Les animaux affolés se taisaient, seuls, mugissaient la grande voix de l'ouragan qui atteignait alors une invraisemblable intensité. Cette formidable symphonie de la nature, qu'on eût dit orchestrée par le génie des tempêtes et exécutée par un cœur de titan, emplissait l'immense vallée du Maroni, le grand fleuve de la Guyane française. La nuit s'était faite, tout à coup, avec cette rapidité particulière aux zones équatoriales, que le soleil éclaire sans aurore et d'où il disparaît sans crépuscule. Quiconque n'eût pas été familiarisé de longue date avec ces terribles convulsions eût été passablement étonné à la vue d'une centaine d'hommes de tout âge et de nationalités différentes qui, debout, rangés sur 4 files, se tenaient sous un vaste hangar, silencieux, impassible, le chapeau à la main. La toiture, en feuilles de ouaille, semblait à chaque instant près de s'envoler. Les poteaux en grignon tremblaient dans leurs alvéoles. Les 4 falots, accrochés aux 4 angles, paraissaient au moment de s'éteindre. La physionomie des inconnus, arabes, indiens, noirs ou européens, conservait quand même cette impression de morne impassibilité. Tous étaient pieds nus, vêtus d'un pantalon et d'une blouse de toile grise, au dos de laquelle se voyaient 2 grandes lettres noires, C, P, séparées par une encre. À travers les 4 files, circulait lentement un homme de taille moyenne, aux épaules démesurément larges, à la figure brutale, que coupait une grosse moustache brune aux longues pointes cosmétiquées. Des yeux gris-bleus, sans regard, ou plutôt qui voyaient sans regarder, donnaient à cette physionomie une inquiétante expression de ruse et de duplicité. L'homme, vêtu d'une vareuse drap gros bleu au collet rabattu, entouré d'un galon d'argent, portait sur chacune de ses manches 2 galons également en argent. Un sabre briquet, dont le ceinturon duquel était passé un pistolet d'arçon, lui battait les mollets. Il tenait enfin à la main un solide gourdin avec lequel il exécutait de temps à autre, d'un air satisfait, un moulinet, dont la correction indiquait une science approfondie de l'art du bâtonniste. Il aventuriait, de la cime à la base, tout en s'éventant avec la visière de son képi, de la même étoffe que la vareuse, chacun des hommes qui répondait à l'appel de son nom. Cet appel était fait par un homme vêtu du même uniforme qui se tenait en avant du premier rang et dont le physique formait avec celui de son compagnon un contraste frappant. Ce dernier, grand, mince, bien bâti pourtant, était porteur d'un visage tout d'abord sympathique. Détail particulier, il n'avait pas de bâton. Il portait un petit carnet sur lequel étaient inscrits des noms. Il appelait à haute voix, et s'interrompait souvent, tant était assourdissant le bruit de la tempête. « Abdallah, présent !»« Mingrassami, présent !» répondit d'une voix rauque un hindou qui grelottait en dépit de la température suffocante. Encore un qui est la danse de Saint-Guy, grommela l'homme aux moustaches cirées. Ça prétend avoir la fièvre. Attends un peu, mon drôle, je vais te faire danser avec mon éventail à bourrique. Simonin, présent, articula faiblement un Européen, la face livide, aux joues creuses et qui pouvait à peine se tenir debout. Mais répondons plus haut, animal! Et le bruit sourd d'un coup de bâton résonna sur les épaules du pauvre diable qui plia et poussa un hurlement de douleur. Là, je savais bien que la voix lui reviendrait. Le voilà qui chante maintenant comme un singe rouge. Romulus, présent! Crièrent d'une voix de stentor un nègre d'une taille colossale en montrant une double rangée de dents dont un crocodile eût été jaloux. Robin, pas de réponse. Robin! Répéta celui qui faisait l'appel. Mais répondons, canaille! Hurla le porteur du bâton. Rien. Un vague murmure circula sur les quatre rangs. Silence, tas de chiens! Le premier qui abandonne sa place ou qui dit un mot, je lui brille la gueule! Termina-t-il en armant son pistolet. Il y eut quelques secondes d'accalmie pendant lesquelles le tonnerre se tut. « Aux armes! Aux armes !» cria-t-on dans le lointain. Puis un coup de feu. « 1000 millions de tonnerres! Nous sommes dans de jolis draps. » Voilà bien sûr Robin évadé, et c'est un politique que je crève à l'instant si je ne tire pas du coup mes 3 mois de clous. Le déporté Robin fut porté manquant, et l'appel se termina sans autre incident. Nous disons déporté et non transporté. La première de ces deux appellations étant réservée aux hommes accusés de délits politiques, la seconde servant à désigner les criminels de droit commun. C'était en somme l'unique et platonique différence établie entre eux par ceux qui les avaient expédiés dans cet enfer et ceux qui les gardaient. Travaux identiques, nourriture, vêtements et régime analogues. Les déportés et les transportés, confondus dans une horrible promiscuité, recevaient avec une égale surabondance jusqu'au coup de trique du garde-chiourme Benoît, lequel n'avait, on a pu le constater, de Benoît que le nom. Nous sommes, avons-nous dit, en Guyane française, sur la rive droite du Maroni, qui sépare notre colonie de la Guyane hollandaise. La colonie pénitentiaire où se passe présentement, février 1850 et quelques, le prologue du drame auquel nous allons assister, se nomme Saint-Laurent. Elle est de fondation toute récente. C'est une succursale de celle de Cayenne. Les forçats, encore peu nombreux, ne sont guère que 500. Le lieu est malsain, les fièvres paludéennes fréquentes et les travaux de défrichement écrasants. Le surveillant Benoît, c'est le nom que donnent maintenant aux anciens gardes-chiourmes des bagnes européens, accompagna sa brigade au casernement. Il avait l'oreille basse, le digne argousin et la face déconfite d'un renard pris au piège. Son gourdin n'évoluait plus au bout de son poignet robuste. Les pointes victorieuses de ses moustaches pendaient tristement sous l'averse, et la visière de son képi n'avait plus cette conquérante inclinaison à 45 degrés. C'est que l'évadé était un politique, un homme de haute intelligence, d'énergie et d'action. Sa fuite devait être désastreuse pour le gardien auquel la sollicitude du gouvernement l'avait confié. Ah, s'il eût été un vulgaire assassin ou même un simple faussaire, Benoît s'en fût soucié comme d'un verre de tafia. Les hommes, ravis de cet incident qui désespérait leur chef, dissimulaient mal la joie que leurs yeux reflétaient en dépit d'eux-mêmes. C'était d'ailleurs la seule protestation qu'ils pussent élever contre les actes de brutalité dont ce trop zélé serviteur se rendait à chaque instant coupable. Ils s'allongèrent sur leur hamac, tendus entre deux madriers, et s'endormirent bientôt de ce sommeil que procure, à défaut d'une conscience tranquille, un labeur écrasant. Benoît, plus décontenancé que jamais, s'en alla, sans même se préoccuper de la pluie torrentielle et des hurlements de la foudre, rendre l'appel au commandant supérieur du pénitencier. Celui-ci, déjà mis au courant de la situation par le coup de feu et l'appel aux armes de la sentinelle, prenait avec calme les mesures qu'il croyait nécessaires pour opérer les recherches. Non pas qu'il espérât retrouver le fugitif, mais c'est la règle. Il comptait bien plutôt sur la faim, cet implacable ennemi de tout homme isolé dans l'interminable forêt. En effet, si les évasions étaient nombreuses, la famine ramenait invariablement tous ceux qu'avait entraîné le fol espoir de la liberté. Trop heureux, quand les entrailles tordues par la faim, ils pouvaient éviter la dent des reptiles, la griffe des fauves ou l'aiguillon souvent mortel des insectes. Quand il apprit pourtant le nom de l'évadé, le commandant, qui connaissait son énergie et avait su apprécier son caractère, sentit diminuer sa confiance. « Il ne reviendra pas, » murmura-t-il, « c'est un homme perdu. »« Commandant, » dit Benoît, espérant qu'un peu de zèle détournerait de sa tête la menace d'une juste punition. « Je vous le ramènerai, mort ou vif, Je m'en charge, il me le faut. Mort est de trop, vous m'entendez ? Riposta sèchement le commandant, homme très équitable, très ferme aussi, et qui savait rendre compatibles ses terribles fonctions avec l'humanité. J'ai dû souvent réfréner votre brutalité. J'ai formellement interdit les bois de fête. Vous savez ce que je veux dire. Tenez-vous pour une dernière fois averti. Tâchez de ramener le fugitif, si vous voulez éviter le conseil de discipline, et vous en tenir aux 8 jours de prison que je vous inflige à dater du moment de votre retour. Allez !» Le surveillant salua brusquement et s'en alla en expectorant une série de jurons à faire rougir encore le ciel en feu. « Oui, je le ramènerai à la canaille, j'étais fou, mort ou vif, halte-là, c'est bel et bien vivant qu'il me le faut, une balle à travers les côtelettes. Allons donc, ce serait trop doux pour une pareille vermine. Je veux le tenir encore sous mon bâton. Et sans Dieu, je veux qu'il y crève. Allons, au trou !» Le surveillant regagna la case que ses collègues habitaient en commun, empila quelques provisions dans un havresac, se munit d'une boussole, d'un sabre d'abattis, passa un fusil de chasse en bandoulière sur son épaule et s'apprêta à partir. Il était à peine 7 heures du soir. Depuis 3 quarts d'heure environ, l'évasion de Robin était signalée. Benoît, qui était surveillant chef, commandait le poste. Il s'adjoignit 3 autres surveillants qui s'équipèrent sans mot dire. « Voyons Benoît, » dit un de ceux qui restaient de garde, celui-là même qui faisait en même temps que lui l'appel. « Tu ne penses pas à partir par un tel temps, et à par ailleurs, attends au moins la fin de l'orage. »« Attends au moins la fin de l'orage. »« Robin ne peut être bien loin, et demain, je fais ce qui me plaît. » riposta brutalement Benoît. « Je commande seul ici, je ne te demande pas ton avis. Et d'ailleurs, mon animal va essayer de franchir le Maroni, afin de se réfugier chez les Arouags ou les Galibis. Il va suivre la rive. Je vais le pincer avant qu'il ait pu construire un radeau. Pardieu, je devine son plan. C'est bête comme tout, d'autant plus que j'ai vu rôder avant-hier quelques-uns de ces sales porcs rouges près de l'abatis du Nord. Attendez un peu, mes gaillards, vous allez voir prochainement de mes nouvelles. N'est-ce pas, Fagot, que nous allons leur parler du pays ? À ce nom de Fagot, un chien barbet, à figure hargneuse, au poil hérissé, aux pattes courtaudes, à l'œil intelligent, sortit en s'étirant de dessous une table grossièrement équarrie. Fagot signifie forçat dans l'argot des bagnes, et Benoît avait trouvé ingénieux de donner ce nom au chien qu'il partageait à l'endroit des transportés toute l'animadversion de son maître. Phénomène assez original et pourtant facilement explicable, les chiens des forçats haïssent non seulement leurs congénères appartenant à des hommes libres, mais ils accueillent ces derniers par des aboiements et des grondements significatifs. Tel est en effet le genre d'éducation que leur donne leur maître. Telle est aussi l'intelligence de ces animaux de race indienne, aux oreilles droites, aux museaux pointus, à l'œil vif, à l'odorat infaillible, que le passage d'un blanc ou d'un noir libre est toujours annoncé par eux. Réciproquement aussi, les chiens des fonctionnaires éventent le forçat à d'incroyables distances et signalent à qui de droit sa présence par des cris véritablement sauvages. Bien plus, quand ces chiens de même race se rencontrent, il ne leur est pas besoin d'un temps bien long pour se reconnaître. Sans aucun de ces préliminaires habituels aux représentants de l'espèce canine, ils se précipitent l'un sur l'autre, ou plutôt, le chien libre attaque l'autre avec furie. Ce dernier, qui s'avançait la queue basse en rasant les buissons et les cases, avec l'allure familière à son maître, se retourne. Une lutte terrible s'engage, et ce n'est pas toujours l'assaillant qui a le dessus. Benoît, qu'un séjour assez long en Guyane avait familiarisé avec le pays, était devenu un excellent chercheur de pistes. Aidé de son compagnon à 4 pattes, il eût pu rivaliser heureusement avec les plus habiles rastréadors de la Plata. Il emmena Fagot au casernement, décrocha le hamac du fugitif, le lui fit humer à plusieurs reprises en claquant de la langue comme les chasseurs. « Cherche, Fagot, cherche !»« à moi, mon chien !» L'animal flaira le tissu, aspira fortement l'air, frétilla de la queue, jappa comme pour dire « j'ai compris » et s'élança au dehors. « Fichu temps, et véritable temps d'évasion !» grommela un des 3 surveillants, trempé jusqu'aux os par l'averse, avant même d'avoir fait 10 mètres. « Du diable, si nous allons jamais retrouver notre homme !»« Oui, » renchérit un autre, « il ne manquerait plus que de mettre le pied sur un serpent grage ou de nous envaser dans une savane tremblante. » « Avec ça, » dit le 3e, « que son chien pourra sentir l'évader. Il y a beau temps que la pluie a lavé toute trace et enlevé toute odeur. Robin ne pouvait véritablement mieux choisir son moment. » « Allons, vous autres en avant, vous entendez ? Il ne s'agit pas de s'amuser à la moutarde. Dans un quart d'heure à peine, l'orage sera dissipé, la lune brillera. On y verra comme en plein jour, suivons la rive du Maroni, et au petit bonheur !» Les quatre hommes, précédés du chien, s'avancèrent sans bruit, en file indienne, dans un petit sentier à peine frayé au milieu des broussailles, et qui devait s'étendre assez loin sur le haut du fleuve. La chasse à l'homme était commencée. Au moment où les forçats se rendaient sur deux rangs à l'appel, la sentinelle, en faction près du bâtiment, avait distinctement vu, à la lueur d'un éclair, un homme quitter les rangs et s'enfuir à toutes jambes. Il n'y avait pas d'erreur possible. Le fugitif portait la lugubre livrée du bagne. Le soldat n'hésita pas. Les ordres étaient formels. Il arma précipitamment son fusil et fit feu sans avoir même crié « qui vive !». En dépit des fulgurations dont le flamboiement continu lui permettait de voir distinctement, il manqua son homme le plus naturellement du monde. Celui-ci entendit siffler la balle, détala de plus belle et s'enfonça dans les broussailles. Il disparut au moment où les soldats du poste accouraient en armes. Sans se préoccuper en aucune façon de la pluie, du vent et de la foudre, il s'avança en plein bois avec l'assurance d'un homme auquel sont familiers les moindres accidents de terrain. Il s'orienta à la lueur des éclairs, obliqua sur la gauche en tournant le dos au pénitencier et en laissant par conséquent le fleuve à sa droite. Il suivait une imperceptible trace, précédemment ouverte dans l'épaisse muraille de verdure. Après une demi-heure de marche précipitée, il arriva à une vaste clairière jonchée d'arbres renversés par la main de l'homme et dont les troncs épars étaient déjà en partie débités à la scie. C'était un des chantiers exploités par la transportation. À quelques pas à peine de la zone défrichée, s'élevait à un mètre environ un tronc énorme abattu à cette hauteur selon l'habitude des pionniers guyanais. Le fugitif s'arrêta près de ce tronc, le tâta, car les éclairs devenant plus rares, ses yeux ne pouvaient plus distinguer quelques signes de reconnaissance. « C'est bien ici, » dit-il à voix basse, en mettant la main sur un morceau de bois taillé en épieu, et laissez-la, comme par mégarde. Il saisit l'épieu et opéra au pied du tronc mutilé une fouille rapide. La terre friable, et remuée sans doute peu de temps avant, s'excava rapidement. La pointe de bois, presque aussi dure que le fer, rencontra un corps résistant qui rendit un son métallique. L'inconnu retira sans effort une de ces boîtes de fer blanc dans lesquelles on enferme le biscuit de mer, et pouvant avoir 40 centimètres sur toutes ses faces. Une liane longue et flexible en faisait plusieurs fois le tour et laissait dépasser sur l'un des côtés de larges boucles figurant assez bien les bretelles d'un havresac. Il l'assujettit sur ses épaules, retira du fond du trou un sabre d'abattis à poignée de bois cerclé de fils de laiton, à lame courte et légèrement recourbée, saisit son épieu de la main gauche et resta quelques minutes appuyé le long du tronc. Puis, sa haute silhouette se redressa fièrement. « Enfin, dit-il, je suis libre. Libre comme les fauves avec lesquels je vais habiter. À moi, comme à eux les grands bois et leur terrible solitude. Mieux vaut le reptile qui enlace, le tigre qui déchire, le soleil qui affole, la fièvre qui ronge, la faim qui tue. Mieux vaut la mort, sous tous ses aspects, que la vie du bagne. Enfer pour enfer, celui où je puis mourir libre, n'est-il pas préférable ? Qu'ils viennent maintenant me disputer ce lambeau de liberté, termina-t-il avec un indescriptible accent d'implacable énergie. Le surveillant-chef ne s'était pas trompé dans ses prévisions relatives à l'orage. Les convulsions de la nature équatoriale sont formidables mais passagères. Une demi-heure ne s'était pas écoulée, que les nuages étaient envolés bien loin. La lune émergeait lentement de l'opaque rideau de frondaison bordant le fleuve. Son disque brillait d'un éclat inconnu dans les latitudes européennes et faisait scintiller les vagues encore agitées ainsi que les feuilles emperlées des dernières gouttes de pluie. De place en place, un rayon bleuâtre, d'une douceur infinie, trouait l'épaisse voûte de feuillage et glissait entre les troncs immenses, émergeant d'un inextricable fouillis de feuilles et de fleurs comme les colonnes d'une cathédrale sans fin. L'évadé n'était pas insensible à ce poétique réveil de la nature, mais le temps pressait. Il fallait, pour compléter son œuvre de libération, s'enfuir au plus vite et mettre entre lui et ses ennemis une infranchissable barrière. Il s'arracha brusquement à la muette contemplation qui avait, pendant quelques minutes, succédé à son monologue, prit une nouvelle orientation et se remit en marche. Robin, depuis qu'il était au pénitencier du Maroni, avait vu s'accomplir plusieurs évasions. Aucune n'avait réussi. Ceux qu'ils avaient tentés avaient été repris par les surveillants ou rendu par les autorités hollandaises, ou était mort de faim. Quelques-uns, préférant à cet épouvantable épilogue d'une tentative trop hasardeuse le régime du bagne, était revenu agonisant se constituer prisonnier. Il savait que les conseils de guerre leur imposeraient fatalement de 2 à 5 ans de double chaîne, qu'importe. Il revenait quand même, tant était profondément invétéré chez l'homme l'amour de la vie, quelque misérable qu'elle puisse être. Pour notre héros, il avait jadis fait bon marché de son existence, qu'il avait, sans hésiter, consacrée au triomphe d'une idée. Peu lui importait la mort. Il éviterait avec soin la rencontre des Hollandais. C'était facile. Il n'avait qu'à rester sur la rive droite du fleuve. La faim, il était homme à la braver. Sa vigueur athlétique et son indomptable énergie lui permettraient de tenir longtemps. S'il succombait, eh bien, il ne serait pas le premier dont on retrouverait le squelette nettoyé par les fourmis maniocs comme une pièce anatomique. Et d'ailleurs, il ne voulait pas mourir. Oh non, il était époux et père. Ce vaillant que l'effroyable labeur du bagne n'avait pu abattre, que la misère n'avait pu dompter, dont la chiourme n'avait jamais fait baisser les yeux. Il voulait vivre pour les siens, et quand un homme de cette trempe dit « je veux », il peut. Restait l'hypothèse d'une poursuite bien dirigée, et à laquelle les plus fins limiers du pénitencier ne manqueraient pas de consacrer toutes leurs facultés. Eh bien, soit. Puisqu'il était gibier, à lui de dépister les chasseurs. Il fallait d'abord, autant que possible, imprimer à leur recherche une fausse direction. « Ils sont déjà à mes trousses, » dit-il à part lui. « La pensée que je veux gagner les établissements hollandais va tout naturellement leur venir. Laissons-leur cette illusion, ou plutôt, entretenons-la chez eux. Construisons tout d'abord un radeau. » Il dit, fit aussitôt volte-face, et se dirigea séance tenante vers le fleuve dont il entendait gronder les eaux sur sa droite. « Bon, » dit-il, les roches bleues sur lesquelles le flot se brise. À 1 kilomètre en amont, je trouverai mes matériaux. » Sans faire plus de bruit qu'un port rouge suivant le sentier de la guerre ou poursuivant un gibier, il piqua droit au rivage, dont il était séparé par 3 quarts d'heure à peine de marche. La réalisation de ce plan nécessitait une adresse et une audace incroyables. Robin se savait poursuivi. Il n'ignorait pas que ceux qui le cherchaient suivraient fatalement le Maroni, soit en amont, soit en aval de Saint-Laurent. De 2 choses l'une, où les chercheurs de pistes auraient dépassé le point où il comptait fabriquer son radeau, où il ne l'aurait pas encore atteint. Dans le premier cas, il ne courait aucune inquiétude. Dans le second, il saurait bien se tapir dans les herbes aquatiques et éviter le regard de ses ennemis, si perçant qu'il fût. Quant au séjour plus ou moins prolongé dans l'eau, en compagnie des requins d'eau douce, des pirailles, des anguilles électriques ou des raies épineuses, il n'y pensait même pas. C'était pour lui de simples incidents. Il ne put tout d'abord savoir laquelle de ces 2 suppositions était réalisée. Mais comme il ne vit ni n'entendit rien de suspect au moment où il atteignit la berge, il mit sans tarder son projet à exécution. Avisé 2 longues golettes de bois canon, blanches et lisses comme des barres d'argent, les faucher de 2 coups de revers, fut pour lui l'affaire d'un moment. Puis, il entra résolument dans l'eau et pénétra jusqu'aux aisselles dans un immense bosquet aquatique composé d'une variété d'arômes appelés ici « moku-moku » et qui croissait à profusion dans le lit du fleuve. Ces plantes, terminées par une spathe d'un beau vert, sont extrêmement légères, se coupent aussi facilement que la moelle de sureau, tout en possédant une écorce qui leur donne une assez grande consistance. Il choisit 30 de belles tiges longues de plus de 2 mètres, les abattit sans bruit, en évitant tout contact avec la liqueur corrosive qui en découle, les entrecroisa aux 2 bouts dans chacune de ces golettes de bois canon, de façon à former une sorte de palissade analogue à celle qui sert de clôture au jardin. Il avait de la sorte une plateforme de 2 mètres environ de côté, flottant admirablement, insuffisante à la vérité pour porter le poids d'un homme, mais devant parfaitement remplir le but qu'il se proposait. Cela fait, il se dépouilla de sa blouse de toile, labourra de feuilles de façon à figurer tant bien que mal un homme accroupi, mit dans les bras de son mannequin une tige représentant une pagaie, et poussa son esquif hors du champ de verdure. La marée qui se faisait sentir à plus de 80 kilomètres de l'embouchure de l'énorme cours d'eau montait. Le radeau fut saisi par le courant, qui l'entraîna lentement, en lui imprimant un léger mouvement giratoire vers le côté d'amont, mais en l'éloignant peu à peu vers la rive hollandaise. « C'est parfait, » dit le fugitif. « Je ne serais pas étonné que d'ici 1 quart d'heure au plus, mes gaillards, lâchant la proie pour l'ombre, de se mettre à la poursuite de ce faux semblant d'embarcation. » Le fugitif, estimant alors que le meilleur procédé pour se cacher était aussi bien en plein pays sauvage que dans les villes, de suivre les bois fréquentés, prit sans plus de soucis le petit chemin frayé, sur lequel devaient indubitablement marcher ceux qui étaient à sa poursuite. Quant à pénétrer en plein bois, il n'y fallait pas penser. La forêt pouvait être un lieu de refuge, mais il était impossible par ailleurs de s'y frayer un passage. Tout en avançant avec d'infinies précautions et en faisant d'inimaginables efforts pour ne pas troubler le silence de la nuit, Robin s'arrêtait de temps en temps et tâchait de percevoir un bruit étranger aux multiples murmures s'échappant de cet océan de verdure. Rien, rien que le crépitement des dernières gouttes sur les feuilles miroitantes, que le mystérieux glissement des reptiles dans les herbes, que la marche silencieuse des insectes dans les tiges, ou l'imperceptible froufrou des ailes d'un oiseau mouillé. Il marchait toujours sous les voûtes sombres à peine bleuies par la lune, à travers des essaims de mouches à feu, zébrant les ténèbres d'inoffensifs éclairs. Il arriva bientôt à une crique, large de près de 50 mètres et qui porte le nom de crique Balété. Il s'attendait effectivement à rencontrer ce cours d'eau, tributaire du Maroni, et qu'il fallait au plus vite interposer entre lui et ses ennemis. Pour un nageur de sa force, franchir cette rivière, profonde de 5 mètres à son embouchure, n'était qu'un jeu. Avant d'opérer sa traversée, il s'arrêta, reprit haleine, et inspecta le rivage avec plus d'attention que jamais. Bien lui en prit, car un chuchotement de voix qui lui parvint distinctement, tant est grande la sonorité des nuits équatoriales, le cloisonnait au sol. « Mais si, je t'assure que c'est un radeau. Je ne vois rien. Tiens, là, en face, à 100 mètres du rivage, tu vois bien cette tache noire, il y a un homme dessus, je l'aperçois distinctement. Tu as raison. Un radeau, un homme dessus. Oui, mais il remonte. Parbleu, c'est le moment du montant. Il va être pris par un tourbillon et jeté sur la côte hollandaise. Ah mais non, pas de bêtises. Nous ne nous sommes pas dérangés pour rien. S'il lui criait de rallier la côte, imbécile. Si c'était un fagot de droit commun, je ne dis pas. Peur d'attraper un langot de plomb, le frère appliqué, mais un politique, jamais. Ça c'est vrai, Robin surtout. Un rude homme tout de même. Oui, mais un rude homme qu'il faut pincer. Si seulement Benoît était là. Ah bah oui. Benoît s'est emballé. Il a traversé la crique dans le bac et maintenant il est au diable, en avant. Alors feu sur le radeau. C'est dommage. Moi je n'en ai jamais voulu à Robin, qui était bien le meilleur et le plus doux des hommes. Eh oui, c'est toujours comme ça, pauvre diable. Nous allons lui casser la figure et ce sont les Aymaras qu'ils mangeront. Feu donc! Et 3 sillons rapides de lumière blafarde surgirent simultanément. 3 détonations éclatèrent sourdement, faisant voler effaré tout un clan de perroquets. Que nous sommes bêtes, nous usons nos cartouches pour rien, quand il y a moyen si facile de crocher le radeau. Comment cela? C'est tout simple. Le canot dont s'est servi Benoît pour franchir la crique est amarré de l'autre côté. Je vais me mettre à l'eau, saisir la liane qui relie les deux rives et serre au passage du bac, traverser la rivière, revenir vous prendre dans l'embarcation, puis nous recommencerons la chasse. Et nous la terminerons fructueusement. Ce qui fut dit fut séance tenante accomplie, et les 3 hommes, pagayant avec fureur, descendirent la crique balétée et s'élancèrent sur le Maroni. Robin, impassible, avait tout entendu. Décidément, la chance était pour lui. La pirogue était à peine disparue, qu'il saisit à son tour la liane, la trancha d'un coup de sabre et se mit à l'eau en l'empoignant d'une main. La mare végétale, au bout de laquelle il flottait, sollicitée par le courant, décrivit le quart d'un cercle dont le centre était l'autre point d'attache, situé sur la rive opposée. Cette évolution s'accomplit sans bruit, sans fatigue surtout, et sans même troubler la surface de l'eau. 10 minutes après, le fugitif était de l'autre côté. Sans commettre la même faute que les surveillants qui avaient laissé subsister ce moyen de communication, il coupa la liane qui s'enfonça aussitôt. « Ah !» se dit-il, « c'est Benoît qui me poursuit. Benoît est en avant. Parfait !»« Jusqu'à présent, j'ai suivi les chasseurs. Cette manœuvre a parfaitement réussi. Continuons !» Tout en marchant, il tira de sa boîte de fer blanc un biscuit qu'il grignota, avala ensuite une gorgée de tafia, puis, réconforté par ce repas de spartiate, il accéléra encore sa marche. Les heures succédaient aux heures. La lune avait accompli sa course. Bientôt le soleil allait tordre sa rutilante chevelure. La forêt tout entière semblait s'éveiller. Au roucoulement plaintif des tocros, au nasonnement monotone des agamis, au rire strident du moqueur, se mêlèrent tout à coup les aboiements brefs et saccadés d'un chien qui empoigne une voix. « C'est un Indien qui chasse, ou le surveillant, » pensa Robin. « Mauvaise rencontre. Le pot rouge voudrait gagner la prime. Quant au surveillant... »« Bah, c'était prévu. j'en fais mon affaire. » Le bois s'éclaircissait rapidement. Les arbres, de plus en plus élevés, mais plus rares, appartenaient aux familles qui préfèrent le voisinage des lieux humides. Les pinots, dont la présence indique des marais desséchés, appelés pinotières, dressaient majestueusement leur panache vert tendre. Robin allait déboucher dans la clairière quand brusquement le jour se fit. Il n'eut que le temps de se jeter derrière un cèdre énorme afin de ne pas être surpris par cette brutale invasion de l'air et de la lumière. Les aboiements se rapprochaient. Le fugitif assura son épieu dans sa main et attendit. Une minute s'écoula. Puis un gracieux animal, de la grosseur d'un chevreuil d'aguet, à la robe couleur cannelle, passa près de lui comme un trait de lumière. C'était un cariaco, le chevreuil de la Guyane. Au même moment, et moins de 20 mètres du point où se tenait Robin, eut lieu comme un subit écroulement d'une chose formidable. Cela quitta la maîtresse branche d'un boco et s'abattit, mais une dizaine de secondes trop tard, sous le cariaco qui disparut. C'était un jaguar énorme qui, entendant le chien chasser, s'était mis à l'affût du gibier dont il comptait bien faire son profit. L'homme ne poussa pas un cri, ne donna aucun signe d'émotion et resta immobile. Le monstre, à sa vue, eut comme un mouvement de recul, mais comme il était lancé avec l'irrésistible vitesse d'un projectile, il ne put arrêter son élan. Surpris d'autre part à l'aspect de Robin et intimidé peut-être par son attitude résolue, il bondit une seconde fois, passa 3 mètres au-dessus de sa tête et s'accrochant des griffes au tronc, le long duquel il était appuyé, s'aplatit sur une branche, l'œil en feu, les moustaches hérissées, le mufle plissé, en grondant sourdement. Les yeux rivés à ceux du terrible félin, les pieux à la main, les muscles tendus, l'homme attendait l'attaque. Un bruit de branches froissées lui fit un instant tourner la tête. Il aperçut à 5 pas un canon de fusil braqué sur lui. Une voix furieuse lui envoyait en même temps ce brutal ultimatum. « Rends-toi ou tu es mort !» Un sourire dédaigneux plisse sa lèvre lorsqu'il reconnut Benoît, le surveillant chef. L'outrecuidance de cet argousin, qui employait des formules surannées de mélodrame, lui parut une chose bouffonne, surtout en présence du félin dont les dents craquaient et qui pétrissait sous ses ongles l'écorce dure comme du fer. Il ramena ses yeux sur ceux du jaguar, lentement, à la façon d'un dompteur, dont chaque mouvement est calculé, et en évitant ces soubresauts précurseurs d'une catastrophe. L'animal, les paupières plissées, la pupille contractée en forme de I, subissait une sorte d'influence magnétique. Le surveillant, les deux bras emmanchés à son arme, dans la posture d'un Guillaume Tell enluminé à Épinal, était grotesque. « Eh bien, canaille, tu ne réponds pas ?» On entendit un de ces miaulements énormes familiers aux tigres et qui, passant par leur gorge ardente, se transforme en rugissement. « Ah ! » fit-il plus surpris qu'effrayé. « 2 pour 1, au plus pressé. » Benoît était brave, en somme. Et d'ailleurs, quel homme, bien armé, familiarisé avec le maniement du fusil, pourrait hésiter un seul moment, étant donné surtout les circonstances présentes. Il ajusta froidement le jaguar et fit feu. La charge, composée de chevrotines, frôla la joue de la bête, lui fracassa l'épaule, puis, glissant le long de sa robe tachetée, faucha le poil et troua la peau en traçant des sillons sanglants. Blessure dangereuse, mortelle peut-être, mais insuffisante pour l'arrêter sur place. Le surveillant en fit la triste expérience. À peine la détonation avait-elle éclaté que l'animal s'élançait, malgré son horrible blessure, sur le malheureux chasseur et l'abattit sous le choc. Benoît sentit sa chair frissonner sous la griffe. Il lui sembla qu'un lambeau de lui-même s'en allait, arraché comme par un engrenage. Il vit devant ses yeux, à quelques centimètres, une énorme gueule, béante, hérissée de crocs formidables. Machinalement, il y jeta en quelque sorte son fusil. Les mâchoires se refermèrent avec un bruit de cisaille sur la monture qui fut broyée. Au ras des batteries, à la couche. Il se sentit perdu et n'appela pas à l'aide. À quoi bon d'ailleurs? Il ferma les yeux, attendant le coup mortel. Prompt comme la pensée, Robin, dont l'âme généreuse ignorait la haine, bondit à son tour. Il saisit à pleine main la queue du jaguar, imprima une secousse à l'animal tellement douloureuse que celui-ci, plus furieux que jamais, tenta d'abandonner sa première victime afin de s'élancer sur l'être assez téméraire pour oser le braver avec une telle audace. Mais il avait affaire à forte partie. Le déporté avait lâché son épieu et sa main droite brandissait son sabre d'abattu. La lame, emmanchée à un bras de fer, s'abattit et trancha net le col de la bête, ce col aussi gros que celui d'un jeune taureau et tressé de muscles énormes. deux longs jets de sang surgir en pulsations rapides et jaillir à 2 mètres, s'épandant en pluie rouge et écumeuse. Le surveillant gisait sur le sol, la cuisse ouverte jusqu'à l'os. Son fusil en 2 morceaux était aussi inutile pour lui qu'un manche à balai. La dépouille pantelante du fauve agitée de convulsifs soubresauts le séparait de l'évadé. Celui-ci essuyait froidement sur les herbes sa lame rouge. On eût dit qu'il avait fait une chose toute simple et qu'il n'avait aucunement conscience du tour de force qu'il venait d'accomplir. Il eut un long silence, interrompu seulement par la voix aiguë de Fagot qui aboyait rageusement à distance respectueuse. « Eh bien, vas-y donc, c'est mon tour, » dit enfin le surveillant. « Continue la besogne de l'autre. » Robin, les bras croisés, immobile comme une statue de pierre, ne répondait pas, ne semblait même pas entendre. « Allons, pas tant de façon, tu mouailles que ça finisse. À ta place, il y a longtemps que ça serait fait. » Pas un mot. « Ah, tu jouis de ton triomphe. L'autre a fait la moitié de l'ouvrage. Le tigre moucheté a été l'auxiliaire du tigre blanc. Parbleu, il m'a mis dans un joli état. J'y vois trouble. Mon cœur s'en bat. C'est fini. C'est fichu. » Le sang ruisselait en nappe de la plaie béante. Le blessé, déjà sans connaissance, pouvait succomber à une rapide hémorragie. Robin, qui en égorgeant le jaguar, avait obéi à un mouvement spontané, inspiré en partie par l'instinct de la conservation, oublia les insultes et les coups. Il ne se souvint plus de l'enfer du bagne dont Benoît personnifiait la féroce individualité. Plus de gourdin, plus de blasphème, plus de chiourme, plus d'embûches ni de poursuites. Il ne vit qu'un homme, un homme blessé, qui allait mourir. Il manquait des éléments nécessaires à un pansement. Son expérience allait lui en fournir aussitôt. La pinotière, où sa vanne desséchée, commençait à quelques mètres du lieu où ce drame venait de s'accomplir. Le déporté s'élança, écarta les herbes et fouilla précipitamment l'épaisse couche d'humus composée de détritus de végétaux. Il atteignit en quelques minutes un gisement d'argile grisâtre et poisseuse. Il en fit une masse grosse comme la tête et la porta près du blessé toujours évanoui. Retirant alors une des manches de sa chemise, il la déchiqueta en menus morceaux, prépara une sorte de charpie grossière qu'il imbiba d'un peu de tafia et la posa sur les lèvres de la plaie préalablement rapprochée. Il prit ensuite un peu de terre glaise qu'il pétrit et appliqua couche par couche en enveloppant le membre blessé comme d'un manchon. Le sang qui transsudait à travers le linge ne put traverser cette couche imperméable. Cela fait, Robin enveloppa l'appareil entier de grosses feuilles fraîches et charnues et les maintint solidement à l'aide de lianes. L'horrible plaie, s'étendant de la hanche au genou, était réunie par première intention, et s'il ne survenait pas de fièvre traumatique, le blessé devait guérir aussi bien que s'il eût été pansé par le plus habile chirurgien. Cette opération, accomplie avec une dextérité infinie, n'avait pas duré plus d'un quart d'heure. Le sang commençait à revenir aux pommettes livides de Benoît. Il s'agita, respira longuement et murmura d'une voix sourde « À boire !» Robin cueillit une longue feuille de waï, la plia en cornet, courut la remplir au trou d'où il venait d'extraire la terre glaise et qu'une eau limpide commençait à envahir. Il souleva la tête du blessé, qui but avidement et ouvrit enfin les yeux. Dépeindre l'expression de stupeur qui se peignait sur son visage en reconnaissant le forçat serait impossible. Puis, la brute se réveillant tout d'abord en lui, il essaya de se lever pour se mettre en état de défense, peut-être même pour attaquer. Une horrible douleur le terrassa. La vue du cadavre du jaguar acheva de le rappeler à la réalité. Et quoi? C'était bien là Robin, cet homme qu'il poursuivait d'une haine aveugle et qui, après l'avoir arraché aux griffes mortelles de l'animal, venait, dans un moment d'abnégation sublime, de panser sa plaie et d'étancher sa soif. Tout autre se fût incliné devant un tel acte d'abnégation. Il lui parlait des exigences du devoir, de la consigne. Il lui enfin tendu la main à l'homme et lui dit « Merci ». Benoît blasphéma. « Eh bien, tu sais, tu es ce qu'on pourrait appeler un drôle de corps. Moi, à ta place, je n'en aurais fait ni une ni deux. Crac, et puis bonsoir. Plus de Benoît. C'eût été un bon moyen de me faire payer mes coups de trique avec les intérêts. » « Non, » dit froidement le déporté. « La vie humaine est chose sacrée. » Et d'ailleurs, n'y a-t-il pas mieux que la vengeance? Et quoi donc, s'il te plaît? Le pardon. Connais pas. Dans tous les cas, je ne te dis pas à charge de revanche, car j'espère bien te pincer un jour ou l'autre. Comme il vous plaira. J'ai rempli un simple devoir d'humanité. Si, plus tard, les hasards de la vie nous mettent face à face, je défendrai ma liberté. Je ne vous conseille pas d'y attenter. Un mot encore. Je ne vous demande pas de reconnaissance. Souvenez-vous seulement que s'il y a là-bas des hommes frappés justement par la loi, il en est qui sont innocents. N'abusez jamais de la force à l'égard des uns et des autres. Cette loi que vous représentez met dans l'impossibilité de nuire, mais elle ne martyrise pas. Adieu. Je vous pardonne tout le mal que vous m'avez fait. Au revoir. Tu as eu tort, Robin, de me laisser la vie. » Le fugitif ne détourna même pas la tête. Il disparut dans l'épaisse forêt.